où elle est? Non mais vous m'aidez les gars, on va être à l'antenne dans moins de 2 minutes. Non mais Maëva. Ah, Maëva. Maëva, oh. Mais où est-ce qu'elle est? Mais enfin, Maëva sort de la table. Non, ah bah elle non, est pas là. Non, ce serait trop simple. Ah mince alors. Bon, je sais pas où est Maëva. Bon, tant pis. voilà, on va régler ce problème plus tard. Bon, merci d'écouter ce podcast. Au moment où nous faisons cette émission, on est le 17 janvier. Il faut mettre tout ça dans le contexte. Ça veut dire qu'aujourd'hui est un jour de grande neige en Belgique. Oui. Et il fait tout blanc. On a au moins 15 cm là sur le. Ah ouais, non, là c'est. Sur c'est le sympa. Devant face, ouais. J'ai l'impression qu'on fait de la radio dans un chalet. Bah c'est à peu près ça, écoute. J'ai envie de me mettre avec un plaid au coin du feu. Tu vois. Ah, des petits gâteaux et tout. Et d'autres pierres en éventail. Ce mood podcast. Un peu film, comme on voit, tu vois, dans les vidéos YouTube. Ouais. Ces gens en podcast qui sont toujours dans une pièce ultra sombre, dans un petit mood calme et qui font. Toi, tes ambitions, en fait, pour réussir dans la vie, c'était quoi qui t'avait motivé? C'est quoi ton moteur, en fait? Ah, mais c'est horrible, ces vidéos-là. Oh là là. C'est horrible. C'est les podcasts feutrés. Oh là les là. Les gens, je sais pas pour qui ils se prennent. Non, mais c'est... Bon, il en faut aussi, hein. Nous, on est là, on fait notre petit creux, comme on dit. Ouais, on fait est là. Une ouais. petite place, et puis on espère que ça vous plaît. Cette émission regorge de nouvelles séquences. Vous allez découvrir Dominique Vegas. C'est notre... qui? C'est un voyant. Ah ok. Il va nous faire l'horoscope. Ok. Voilà, toutes les semaines maintenant, il va faire l'horoscope. Je sais pas ce que ça va donner, je suis pas au courant. Plein de belles choses arrivent dans cette émission que vous allez écouter en podcast. Merci d'avoir choisi. En tout cas, ce contenu qu'on a adapté le plus possible pour une consommation podcast. À vous de vous faire plaisir. Régalez-vous et dites-moi ce que vous en pensez sur mon Instagram Jajadoul. Et comme on dit chez moi, et bonne écoute. Et bonne écoute, hein. Starts now. Faut faire le plein de bonne humeur. Ça tombe bien, vous êtes à l'heure. Dès 20h c'est direct, on va rire, ce sera marrant. On s'en fiche du reste, on s'en fiche des autres. Les bons délires ça, on leur fait confiance. Durant 2 heures, sans une prise de tête, c'est bien parti, on délire ensemble. Jadoul, Jadoul, Jadoul, tous les mercredis. Jadoul, Jadoul, Jadoul, dans la trappe. Jadoul, Jadoul, Jadoul, tous les mercredis. Jadoul, Jadoul, Jadoul, dans la trappe. 3, 2, 1, now! Tous les mercredis, la trappe avec Jadoul et toute son équipe en podcast. Waouh! Oh, j'en reviens pas. Ah, il a neigé dans le câble. Ah, il neige beaucoup, il neige partout. Quelle dinguerie! Formidable. Je sais même pas si on a l'antenne. Hein. Je sais pas non plus. Je le dis honnêtement. Ah, il faut qu'on raconte aux gens, on était en train de finir la préparation de cette émission et puis on est sur Google et Google ne fonctionne plus. Tout simplement, oui. On n'avait plus d'internet. Et puis on n'entend plus la radio dans notre studio. On se dit, bon, on est vraiment déconnecté du monde. Mais je pense que c'est le bazar partout. Hein. Aujourd'hui, oui. Je pense historique. Que... Ah, c'est un bordel historique. Oh là là là là. On n'était pas prêt à ça. Hein. Bah là, dis-toi que le podcast, il enregistre même pas, donc... Formidable. Ah, ça va être une émission, vous savez quoi, à la cool aujourd'hui, parce que... En papier mâché. On a prévu beaucoup de choses, mais avec Maëva. Voilà. Qui n'est pas là. On ne sait pas où elle est, on va se le dire honnêtement. Maëva a l'habitude d'arriver à 20h sur le générique. Sauf que là, le générique est passé, et je pense que l'émission sera passée, qu'elle sera peut-être dans les parages. Oui. Mais vu comment c'est le bordel dans la rue. Ouais là, non, c'est horrible. Dites-vous que par la fenêtre du studio, je vois le rond-point de mes airs. Ouais non, c'est horrible, surtout que. Je savais pas que les voitures pouvaient rouler à la diagonale. Ouais, j'ai vu plein de vidéos passer comme ça. Hein. Même c'est des fou. Camions, des camionnettes, tout ça, c'est. Allez, on va vous changer les idées. Si vous êtes dans la voiture et que vous avez fait 100 mètres en 2 heures, on est entre nous, ça va klaxonner. Très bien se passer. On va faire non, parce que si non, arrête. Faut pas la merde. Ça va finir en bagarre. Bagarre générale à cause de nous. Et 3 flocons, la Belgique est à l'arrêt. On va en parler dans un instant. On est une séquence spéciale à ce sujet. Parce que les médias ont bien traité l'info. Vous allez voir, ça va être très sympa. On aura aussi une nouvelle séquence qui est l'horoscope. Robot! Oui, on a un peu besoin d'horoscope, savoir ce qui va se passer prochainement pour, quelle vous, belle idée. Pour nous. Vous allez avoir ça avec notre horoscopiste, je sais pas si on peut l'appeler comme ça. Notre horoscopiste qui s'appelle Dominique Vegas. Dominique Vegas. D'accord. Bon bah c'est encore un nom magnifique ça. Mais on va pas critiquer. Il ne fait pas de tuning, je tiens à le préciser. Las Vegas. On aura qui dans l'interview combinée comme invité? On a aussi un Dominique, mais cette fois-ci c'est Duforest. Donc, il est responsable de casting et ancien animateur radio en France. Un grand monsieur. C'est ça. Mais il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas et vont peut-être le reconnaître justement via la séquence. Donc, si on n'en dit pas plus. Je le dis pas, ok, d'accord, pardon. J'ai compris, je la ferme. Ouais. Et ton jeu du FaceTime reviendra cette semaine, Kix. C'est bien ça, oui. Je vous fais deviner donc trois personnalités à l'aide de trois sons par personnalité. Alors, avant ça, une petite info quand même. Oui. Je sais pas si toi, tu as l'habitude de sortir en boîte, c'est dans tes habitudes. Non, mais ça va arriver bientôt. C'est dans mes projets futurs. Ah ouais, vraiment? Oui, bah juste tester, voir comment ça se passe. Tester, donc ça veut dire que c'était pas dans tes plans habituellement? Bah, au départ, non, mais j'aimerais bien y aller un jour, comme au casino d'ailleurs, j'ai jamais été. Oui, c'est vrai, moi aussi. Bah voilà, on ira ensemble. Moi, tout doux, à chaque fois je passe devant en vacances et je me dis, Peut-être que non. Mais un jour, je le ferai, promis. En plus, quand j'étais aux États-Unis, ça m'a donné envie d'y aller. Ah bah oui, mais en même temps, toi, tu mets les grands moyens. Ouais, mais tu vois les trucs et tu étais là en mode waouh. Bah, peut-être. Nous, on est ici à la mer du Nord, c'est pas le même style de casino, quoi. C'est... Non, bah d'ailleurs, il a fermé. Donc. En plus, ça, voilà. Vraie info. Bon, on va parler en Angleterre. Il y a une discothèque qui vient d'ouvrir. Ah bon? Mais elle s'adresse pas aux gens de la nuit, elle s'adresse aux couche-tôt. Donc ça veut dire qu'il y a tout, hein. Il y a les DJ, la machine à fumer, le podium, tout. Ok. C'est juste que c'est ouvert de 14h à 20h. Ah, mais c'est bon pour nous, ça. C'est tout à fait bon pour nous. Ça s'appelle Day Fever. Et alors, ils expliquent que comme les professionnels de la nuit s'inquiétaient du désintérêt des jeunes générations pour les lieux festifs, avec la pandémie, tout ça, ça a été compliqué, hein. Il faut se dire quand même qu'au Royaume-Uni, il y a un tiers des discothèques du pays qui ont fermé fin d'année 2020. Waouh. Donc, je comprends qu'ils cherchent à se réinventer. Ouais. Avec les vies de tout le monde, se dire que tu finis ta soirée à 20h. Un petit coup de buzz. Bah, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est vrai. Ça veut dire qu'à 21h, t'es chez toi. Tu peux te faire à manger tranquille. Tu peux être en famille si jamais. J'aime bien le concept. Hein. Ouais. En vrai, il y a un truc à faire. Il y a un truc d'intéressant. Ça, on va le tester plus vite que les casinos. On va le faire ici en studio. Ça va être sympa, ça. Bon, aujourd'hui, on est le 17 janvier. Ça ne vous a pas échappé. C'est la journée de la cuisine italienne. Ah bah oui. Miam, miam, miam. Felicità. Et à cette occasion, on va vous faire un jeu bien cliché. On va vous présenter l'équipe avec un jeu idiot. La phrase que vous entendez est-elle une insulte ou pas? C'est le principe du jeu. Ok. On va écouter de l'italien. Tu me dis si c'est positif ou négatif. D'accord. Par exemple, si je devais présenter Maeva qui n'est pas encore arrivée. Tu veux que je fasse sa voix? Ouais, vas-y, tente un peu de faire la voix de Maeva. Salut, c'est Maeva. Non, on va peut-être pas. Ah, pardon. On va se la mettre à dos là, je pense. Ah, mince. Ok. Plus féminine. Attends, plus féminine. Coucou, c'est Maeva. Non, mais non, on dirait ta mère. Mais j'arrive arrête. Pas. Ah non, c'est pas possible. Laisse tomber. Tu sais quoi, on va reprendre notre jeu italien si tu veux bien. Oui, ok, allez, ça va, on part dessus. Le principe est simple. Insulte ou pas, si je présente Maeva en disant « C'est il nostro raggio di sole ». Non, il a dit « soleil », ça me paraît très poétique. Je dirais que c'est pas une insulte. Tout à fait. C'est vrai? Ouais. Yes. Là, j'ai dit en italien à Maeva, tu es notre rayon de soleil. Bah voilà, tu vois, soleil, à mon avis. C'est mignon. Ça dit comment, attends? C'est il nostro raggio di sole. Oh, que c'est beau, c'est beau. Kix? Oui. Si je te dis... Il tuo cervello è grande quanto un piccolo peso. Ah, peso. Peso. C'est pas l'argent, ça, peso? Si, mais je pense pas qu'on parle de ça. Ah, je sais pas, mais je te vois bien un peu fourbe et mettre un truc vraiment. Pour ouais, moi, c'est une insulte. Quoi. Ouais, voilà, évidemment. C'est ça. Bah oui. Donc, ton cervello è grande quanto un piccolo peso. Ça signifie ton cerveau est grand comme un petit poids. Ah, mais c'est beau en vrai. Mais c'est pas mal. C'est en bio, sur Insta. Ah oui. Ah, ça peut être super intéressant. Ah, j'adorerais. Kix, animateur radio et. Il tuo cervello è grande quanto un piccolo peso. Et voilà. Et voilà. Courage avec la neige, hein. Let it snow, let it snow, let it snow. On en a pas eu pour les fêtes. Ouais. Là, il y a. Là, on a tout d'un coup. Paf, la poudreuse. Et tiens, prends ça dans les dents. Ah, c'est vite réglé. Merci de nous avoir choisi. Vous avez compris, c'est du direct et on est avec vous au-delà de 22h. On a plein de surprises pour vous. Et sans Maeva, je sais pas comment on va faire toutes ces séquences. Ah, mais c'est tellement nul sans elle. Enfin, non, c'est bien. Bah, c'est sympa. Mais c'est triste bah, merci pour ceux qui restent. Bah oui, ça va, c'est bon. Ils ne savent pas articuler, ils n'ont pas un physique facile et ils ne comprennent pas grand chose. Oui, ils ont toutes les qualités pour être partout en podcast. C'est Jadoul et son équipe. Tous les mercredis. Alors Maeva va bien. Ah. Maëva ne saura pas venir aujourd'hui parce qu'elle est, elle est complètement coincée. Avec la neige, c'est pas possible. Ah bah oui. Elle vient de Cudessart. Enfin, je sais pas d'où elle vient. Elle vient de très loin. Elle vient de très loin. Bon, déjà, toi, tu viens d'Arlon, mais toi, tu t'y es pris plus tôt. T'as pris 24 heures de trajet. C'est ça. Pour être sûr d'être là. J'ai ma valise et tout. Ton sac de couchage, tu peux le retirer. Tu sais, tu vas voir. Oui, c'est vrai, c'est pas faux ça. Attends. Voilà. Donc, elle, on l'embrasse parce qu'elle a aussi un autre travail sur le côté. Le temps de revenir de son autre travail à chez nous, bah forcément. Quelle galère. Là, ça crée les petits problèmes qu'on a. Donc, Maëva, on va compenser son absence. Retente une imitation de Maëva. Bonjour, c'est Maëva. Non, c'est très fréquent. Non, vraiment. Ouais, j'arrive pas. On va pas le faire, c'est bon. Donc, la question que tout le monde se pose depuis ce matin, c'était quand même. Où en est l'offensive neigeuse? Ah oui, c'est vrai. Où en est l'offensive? C'est bien dit, hein. Où en est l'offensive neigeuse? L'offensive. Bien, Olivier Skolanjans. Skonens. Oui, Skonens. Voilà. C'est rendu. Il paraît qu'il est très connu. Hein. C'est le monsieur qui présente les infos sur RTL. C'est ça. Voilà. Il s'est rendu devant l'Institut Royal Météorologique, l'IRM, là-bas, pour essayer de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau du temps. Et il a eu la même réaction que nous en allant au travail ce matin. Je vous avoue que quand nous sommes arrivés ici vers 10h ce matin, on a regardé le ciel et on s'est dit, est-ce que tout ça est bien sérieux? Bah ouais, et finalement. Alors quelques minutes, eh bien, tout s'est drapé ici d'un manteau blanc absolument extraordinaire. Ouais, c'est vrai que c'était super vite, hein. Mais quelle galère. En peu de temps. Attends, nous, allez, il y a quoi? Il y a 15 cm. On va exagérer, il y a 15 cm de neige. Ouais. Bah, au moins, ouais. Ouais, au moins. Vas-y, va mesurer, va sur le balcon. Hop, attends, je fais un vue d'œil. Mais non, mais je la vois là, la neige, c'est bon. Il n'y a pas un mètre non plus. Comment ils font à l'étranger pour gérer ce genre de situation? Ah, bah, tenez, justement, BFM TV. Il parle de la météo du Québec. Une vague de froid bien plus extrême touche en ce moment une partie des États-Unis et du Canada. Là, on a jusqu'à moins 40 degrés ressentis. Moins 40 degrés. Oh la vache. Mais comment ils font pour vivre? Alors, pour être exact, moins 43. Moins 43. Oui. Et alors, comment ils font? Parce que nous, on est rigolos, on fait de la luge et du ski avec nos bagnoles. Là-bas, ils font quoi? C'est ce qu'on appelle de la cuisine expérimentale. Cuisson à moins 35 degrés pour cet œuf et des nouilles chinoises en lévitation. Ces sculptures de glace sont l'œuvre d'un Canadien visiblement inspiré par cette tempête polaire. Bah écoute, ouais. Ah bah ils ont de quoi s'amuser là-bas. Ah oui, bah c'est rigolo, mais c'est vrai qu'on oublie, mais on peut se faire brûler par le froid comme on peut se faire brûler par le chaud. Ouais. C'est pour ça qu'il faut mettre de base toutes des protections et tout, des crèmes et tout. C'est pas des blagues hein, quand ils amputent des jambes dans les films où les gens. Ah oui, de bah froid. Ça va, je veux pas voir les images. Non, mais quand tu je compte souper ce soir quand même. Hein, que... Oui, ça va, oui. Donc imagine au niveau de ta cuisse. Ouais. Je scie. Stop, Jadoul, stop. Ok, d'accord. C'est Jadoul. En podcast. Allez, on va se faire du bien, il faut se le dire honnêtement, parce que la journée était peut-être compliquée, stressante, ou vous êtes simplement chez vous depuis ce matin, parce que vous êtes en télétravail, parce que vous avez anticipé intelligemment cette journée chaotique. Très chaotique. Donc vous êtes au-dessus des gens, on peut le dire, voilà. Vous n'avez pas pris le risque de prendre la bagnole, vous n'avez pas pris le risque de s'affronter à des collègues qui ne sont pas là à temps. Mais je pense, tu sais, il y a tous des métiers comme ça, enfin je prends l'exemple, mais les conducteurs de tram, ils se relaient. Donc oui, à un moment sur la ligne, le conducteur descend et il faut à ce moment-là que le suivant soit là. Oui. Sinon, ça recrée. Combien ça de fois à Rogier, il y a des embouteillages de tram parce que le conducteur suivant n'est pas là à temps pour prendre la relève. Oui, mais ça, c'est un problème carrément dans toute la Belgique. Hein. Non, mais imagine aujourd'hui l'embouteillage de tram. Ah oui, bah aujourd'hui, c'est avec tous les trains qui sont. Enfin, les trains qui sont annulés et tout ça, remplacés. Et tu rentres comment? Ah bah ça, c'est une très bonne question. Pour l'instant, je n'en sais rien. J'imagine que peut-être que par ici sur Bruxelles on sait m'héberger, mais. Non, je vais essayer de reprendre. Tu me demandes de t'héberger en direct? Non, je ne sais pas, écoute, j'en sais rien. J'avais pas prévu de rester par ici. Bah, tu vas pas aller sous un pont. Non, mais je vais essayer de voir comme s'il n'y a pas des petits trains qui traînent quelque part. D'accord. Eh bah, tu sais quoi, on peut même essayer de voir si on arrivera à avoir un petit peu d'argent pour te payer la chambre d'hôtel. Ah, c'est gentil ça. En diffusant. Ah, des pubs? Bah oui. Évidemment. C'est les pubs qui font tourner la radio. Bah oui, bon, on écoute une pub. Et voici maintenant la publicité intelligente de Radio Falminioul. Cette diffusion nous aidera à payer l'électricité et bien sûr aussi le courant. Vous possédez une belle habitation, mais hélas, le terrain attenant est négligé. Et vos terres glissent tout doucement dans la vallée. Il est temps de sauver votre propriété. Pimp My House, à Fleuvec, c'est un précieux partenaire dans l'élaboration d'espaces verts de rêve. Pimp My House, avec Arnaud Pimp, le patron sur chantier, c'est un architecte paysagiste expérimenté et passionné par son travail. Sont de la compétence de Pimp My House. Conception, aménagement et entretien de vos espaces verts en parfait accord avec les besoins du client sur le temps que ces ouvriers dynamiques et motivés vident votre maison de tout objet de valeur, cuivre, souvenirs précieux et tout ce qui peut se revendre sur Marketplace. Et un matériel spécialement adapté à l'envergure de vos travaux pour un rendement rapide et efficace sont garants de votre entière satisfaction. Possibilité également de faire disparaître votre femme ou votre belle-mère sous les fondations de votre nouvelle piscine polypropylène dans le jardin sans trace. N'hésitez pas à former le 0498. Les autres chiffres sont à retrouver quelque part dans l'annuaire téléphonique. Joignable aussi par courriel que vous trouverez sur Google. Courage. Voilà, bah avec ça nous autres, on pourra tenir une semaine de plus. Bonne écoute de la suite du programme. Le personnel médical qui encadre les gens de cette émission vous informe que l'état des patients n'a pas évolué. J'ai dit. Les médecins démissionnent. Non ! Non ! On veut pas ! Ces fous sont libérés 2 heures en podcast. Ça n'est pas acceptable ! Jadoul et son équipe. Les gens se jettent dessus. Tous les mercredis. Kix, on prend une grande bouffée d'air. Ah ! Il faut la lâcher. Et on va se détendre parce que maintenant on a rendez-vous avec l'avenir. Ah. Nous allons faire entrer en studio. Allez-y, rentrez, faites comme chez vous. Bonjour. Installez-vous. Bonjour. Enfin, bonsoir plutôt. Bonsoir. Alors, avec nous dans l'émission, c'est sa toute première. S'il est un peu stressé, vous inquiétez pas, c'est normal. Dominique Vegas, spécialiste en horoscope, qu'on a réussi à dénicher pour nous faire les prévisions qui démarrent de ce jeudi 18 janvier, c'est-à-dire demain, jusqu'à la semaine prochaine. Comme ça, vous pouvez tenir jusqu'à la prochaine de notre émission. Bonsoir, Dominique Vegas. Bonsoir, bonsoir. Ah, arrêtez de me regarder comme ça. Ça me déstabilise. Ah, je dois être concentré pour lire dans mes cartes. Et quoi, quand je vous regarde, ça vous déstabilise? Ça me perturbe. Ne me regardez pas. Regardez plutôt le plafond. Ouais, okay. Bah vous avez une belle chevelure en tout cas. Merci, c'est très bon. Ça prend du temps à coiffer ça. Non, sur votre langue. Sur votre langue. Sur ma langue, après. Ouais, là, c'est compliqué quand même. Oui, ça finit avec une belle chevelure. C'est de famille. Pas le poil dans la main. Bon, on y va, on démarre l'horoscope si vous voulez bien. Allons-y. Alors, Bélier, dans un bon esprit. C'est quoi ce bruit? Bah, c'est les cartes, monsieur. Ah, pardon. Bélier, vous êtes un modèle de bienveillance. Sans jamais un mot plus haut que l'autre et toujours partante pour tout. En famille, les liens se resserrent. Vous êtes tellement cool que la parole circule librement. Au travail, votre esprit d'équipe fédère. Quelque chose à rajouter peut-être dans vos cartes? Oui. Non, mais selon mes cartes, les cartes comme ça. Ne me perturbez pas, s'il vous plaît. Un contrat de travail vous devient favorable, selon mes cartes. D'accord, merci. Qu'est-ce que vous avez fait avec vos cartes pour que ça fasse autant de mal? Je dois les taper sur la table, c'est comme ça, sinon ça ne fonctionne pas. Oui, enfin doucement oui. Quand même. Ah, c'est comme ça. La table est plus fragile hein, quand même. Oui, ça va. On peut passer à nos amis taureaux, ouais, c'est ça. Est-ce qu'ils iront droit au but cette semaine? Oui, pas droit au but, hein. Non, mais, n'avancez jamais, n'ayons aucune patience. Taureau, vos remarques vexent. La riposte peut être violente. À la maison, on a le mode d'emploi. On vous laisse dire, mais au final, ce n'est pas vous qui décidez. Ah, doucement quand même. Non mais ça m'énerve, ça m'énerve, ça me rend tout... Les cartes, voilà. Les cartes. Alors, selon mes cartes, faire du sport vous mène hors des sentiers battus. C'est chose dite, ça va être très long hein, l'horoscope. Les Gémeaux, ils sont dans un esprit de belle équipe, non? Oui, Zadoul, à tout ce que dit la personne que vous aimez, vous adhérez. Tout ce que vous proposez, on vote pour, bien évidemment. Les décisions que vous peignez à prendre sont actées sur le sang. Sur le... Redites-le. Sur le sang. Ah oui. L'avenir de votre couple et de votre famille s'édifie sur de nouveaux projets. Et le petit plus dans vos cartes qui pourrait nous éclairer sur l'avenir des Gémeaux, c'est... Oh oui, mais les Gémeaux, ce sera votre capacité à donner le meilleur de vous-même qui ressortira cette semaine. Voilà, c'est tout. D'accord. On passe au cancer, Dominique Vegas, s'il vous plaît. Toujours plus, et pourquoi pas une maladie grave. Non, le cancer. Faites pas d'humour, s'il vous plaît. Ah, cancer. Un faisceau d'indices concordants indique que votre partenaire vous aime, mais vous réclamez des preuves et encore des preuves de son attachement. C'est si épuisant. Oh là, c'est compliqué à dire. Si épuisant. Oui, c'est, voilà. Wow. C'est si épuisant pour vous deux que la relation s'altère alors que vous voulez le contraire. Ouais. Mes cartes ajoutent que vous sentirez libre au travail ou vous avez carte blanche. C'est le cas de le dire. On parle des lions qui sont sur le fil. Ah, les lions, afin d'être irréprochables, les lions, vous vous imposez une pression de dingue et des horaires de folie. Si vous faites un sans-faute au bureau, le stress et la fatigue occasionnent des bobos qui risquent de vous ralentir dans une éventuelle montée en grade. Oui, lion, mes cartes me disent que la tendresse dans votre relation vous réchauffe. Et moi aussi, à vrai dire, moi aussi, ça me réchauffe. Oui, pas trop non plus, s'il vous plaît. Je suis lion, c'est pour ça que... Finalement, vous, ne me regardez pas comme ça, parce que ça commence à m'inquiéter. D'accord. La semaine de la Vierge s'annonce prête à l'emploi. Ah oui, la Vierge, qu'est-ce qu'on l'aime, elle est jolie, la Vierge. La Vierge Zoli. Ah non, c'est la Vierge Marie, autant pour moi. Tout ce que vous demandez, vous l'obtenez. Des bons résultats alliés à un charisme indéniable font que le patron vous passe presque tout le temps que vous respectez les contraintes budgétaires. Voilà, sur la ligne de départ dans la course au succès. Waouh. Alors, tirez dans les cartes maintenant, refaites un petit tour de cartes. Voilà. Les cartes indiquent, n'osez pas, que vous allez beaucoup plaire à la personne qui vous attire. Oh, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est ça. On arrête là ou on continue à rire? On continue. Oh là là, c'est pénible. Alors, balance, cette semaine, c'est en clair et sans décodeur. Enfin, en même temps, c'est normal, hein, ce n'est pas le signe astrologique de notre féru de technologie Antoine Libotte, donc c'est sans décodeur. Je ne connais pas Antoine Libotte. Ah, incroyable! C'est un garçon que vous avez peut-être rencontré un jour. Ah bon? Ah, si bah vous passez le cap de la première émission, oui. Ah bah, je l'invite avec plaisir. Incroyable! Comme le dialogue sans la donne, mais belle balance. Je ne parlais pas. Non. Allez, restez poli, s'il vous plaît. Votre amour, vous pensez crispé sur certaines décisions. Vous lui démontrez le contraire. Vous la condamnez sans preuve. Vous le condamnez sans preuve. Il s'explique point à point. Vous faites un effort. Les malentendus se lèvent les uns après les autres. C'est chose faite, le point sur mes cartes, évidemment. Ouais. Financièrement, les nouvelles sont très bonnes. Bravo, félicitations, vous avez gagné un vœu de cartes. Non, mais non, vous l'offrez pas, vous en avez encore besoin. Ah oui, non, c'est vrai, j'en ai encore besoin, parce qu'arrivent les scorpions. Oui, c'est ça, terrain miné, on dirait. Ah, terrain miné, c'est important de dire les choses, tout dépend comment on le fait. Si la franchise remet les pendules à l'heure, elle dérègle un mode de vie qui ne fonctionnait pas si mal. Déstabiliser une relation implique d'avoir de quoi la reconstruire. Est-ce le cas? Mon tirage résume. Attention. Si vous les qualités suivantes, une analyse rapide et sincère de la situation. Une analyse rapide et sincère de la situation. Répétez après moi, chaussettes. Chaussettes. Ah, super. Les chaussettes de l'archive FSS. Oui, c'est sont-elles ça. Sont-elles fesses à FSS? Sont-elles fesses? Oui, monsieur, j'étais à l'école, hein. Veuillez m'excuser. Ah, bah oui, excusez-moi. Non, mais je l'entends, oui. Ah, oui. Allez, j'allais dire on termine, mais il en reste encore trois, putain. Les meilleurs, les sagittaires, évidemment. Les sagittaires, c'est les meilleurs. Dites-le, c'est les meilleurs. Ah, bah les sagittaires sont meilleurs. Les sanitaires. Non, les sagittaires. Les sagittaires. Oh, pardon. Je suis tout perturbé, excusez-moi. Vous sent un souillé agressif, mes loulous. Ils sont accros, on dirait, hein. Oui, tant le stress parasite votre relation aux autres, mais vous avez des excuses. Il y a des grands sens que vous démarriez un régime ou que vous vous serviez d'une addiction quelconque. Les pros comprennent et vous soutiennent. Ah, c'est gentil. On termine avec le petit tour de carte pour les sagittaires. Alors, pour les cartes, vous demandent de prêter une attention constante à ce que vous ressentez. Ouais. Prêtez attention sur ce que vous faites aussi, ça nous fera gagner du temps. Merci. Capricorne. Les Capricornes. C'est un succès fou, non? Oui, c'est un succès fou. un sifflet de fou avec le charme que vous avez. Tous les regards se braquent. Non, c'est ce que doit lire, monsieur. Je ne parlais pas à vous, monsieur Zadoul. Avec le charme que vous avez, tous les regards se braquent sur vous. C'est aussi agréable que troublant. Être au cœur de l'attention implique des sollicitations avérées avec tact. Vous faire respecter sans fâcher personne. Fâché. Fâché. C'est ce que j'ai dit, fâché. Personne est l'enjeu du moment. L'enjeu. Les cartes indiquent le désir du bien faire, Mazor, votre efficacité. Ouais. Vous comprenez ce que vous avez dit ? Pas du tout. Les cartes indiquent le désir de bien faire, Mazor, votre efficacité. Ah oui, mais si vous lisez les cartes sans les décoder, ça devient compliqué. Mais écoutez, c'est des cartes qui viennent des astres. Oui, oui. On ne peut pas comprendre tout l'univers, c'est très vaste. On termine, s'il vous plaît. On termine avec les sceaux verts. Non, les verseaux, s'il vous plaît. La vie a deux à du bon, finalement. C'est ça. En couple, des désirs ambitieux vous propulsent dans un long terme qui vous rassure. Les célibataires, vous vous rendez disponible aux rencontres. Vous n'acceptez enfin... Quoi ? Vous acceptez, pardon, enfin de vous projeter dans une relation... naissante. Waouh, on arrive. Voilà la bonne nouvelle des cartes. Un contrat. Ne me coupez pas, monsieur, sinon ce ne sera plus la bonne réponse. Voilà la bonne nouvelle des cartes. Un contrat bien négocié vous rapporte pas mal d'argent. Et il est enfin temps de clore cette très longue séquence avec les poissons qui vont devoir faire avec. Même si ça heurte certaines de nos valeurs, de vos valeurs, vous passez l'éponge sur des choses pas nettes. Pas cool au travail. Vous n'êtes pas très fier de vous, mais la perspective d'une promotion ou d'un meilleur salaire, merci pour la musique, ou d'un meilleur salaire à l'aise opportunément ce cas de conscience. Point sur les cartes. Alors, attendez, je mélange mes cartes pour ceux qui ne comprennent pas. Ah, il y a du suspense pour la dernière. Il y a du suspense, évidemment, parce que le meilleur pour la fin, c'est les poissons. Je n'aime pas manger le poisson. Le bonheur de réunir la famille autour d'un bon déjeuner, c'est ce que les cartes me disent. Voilà, monsieur Zadoul. Ah oui, bon. Merci, Dominique Vegas. Avec plaisir. Alors, si on ne reçoit pas un petit mail de la direction d'ici là, vous reviendrez peut-être ? Je reviendrai et je passerai par la Lune, je passerai par la galaxie et je vous lirai les cartes, encore une fois. Ah oui, quand même. Bon, en tout cas, merci pour votre efficacité. On va peut-être faire plus court. Il faudra nous résumer ce que vous disent les astres la prochaine fois, d'accord ? Avec plaisir. Mais vous savez, il y a beaucoup de choses qui se disent sur les cartes. Même si mes cartes ici sont toutes blanches, il y a beaucoup de choses qui est marquées dessus. Ah oui. Est-ce qu'on peut vous suivre sur quelque part, ailleurs ? Oui, vous pouvez bien sûr me suivre. Regardez l'étoile polaire. Et je devrais me situer à peu près à 4 étoiles à côté. D'accord. Voilà. Bah, c'est pratique. Pour la consultation, on fait quoi ? On envoie une fusée ? C'est ça. Vous envoyez une fusée et vous envoyez évidemment aussi des petits cadeaux parce que j'aime beaucoup les petits cadeaux. Surtout les petites bablutes. Vous savez, les petits bonbons qui collent aux dents. Très bien. Voilà. Merci. J'aime beaucoup les bablutes. Ouais, c'est pour ça qu'il ne vous reste plus beaucoup de dents. Oui, c'est ça. Allez, on vous embrasse. Oui. Salut. Enfin. Oui. Allez, bonne soirée. Allez, au revoir. Cordialement, on se serre la main. Si son poing a cassé l'écran tactile du studio, ce n'est pas un excès de colère. C'est la faute de Tix. C'est con ! C'est le lancement du son ! Ah, d'accord, c'est ça que tu veux. Mais non, il fallait faire un geste. Partout, en podcast. C'est Jadoul. Tous les mercredis. Aïe. Bon, et dire que c'est nous et que c'est la vraie vie, que ça se passe vraiment comme ça. C'est la même séquence qu'on va faire maintenant, c'est-à-dire une séquence où il faut envoyer quand même pas mal de sons. C'est le retour de l'interview. Oui, l'interview combinée fait son grand retour. On prend un truc du média Combini et on en fait une interview combinée car le moins drôle d'entre nous se prend un coup de... Combiné ! Bonne réponse. Dans les dents et ça fait très très mal. Voilà. On a tous des dentiers à cause de ça. Ouais. Alors, bon, cette semaine, monsieur, oui, qui êtes-vous ? Dominique Duforest. Oh là, quelle voix ! Je sais toujours pas qui vous êtes, en fait. Ici, la voix. Oh, wow ! Oh, j'y crois pas ! C'était nous avons donc lui ! La voix off de l'émission Secret Story, qui va d'ailleurs revenir. Dites, vous avez dû en voir passer des candidats dans votre vie ? J'ai dû parler à environ 170 candidats. Ah oui, quand même. Oui, ouais, c'est pas mal. J'adore les commentaires de bistrot derrière. Ah ouais, je t'en mets le job. Merci. La petite sœur, s'il te plaît. Et comment ça se passait avec les candidats ? C'est pas trop compliqué à les supporter ? Il y a une relation très intime qui se crée avec les candidats. Ne m'en dites pas plus. On peut pas avoir de soucis, nous, ici, on veut rien savoir. Non, mais je fais semblant, mais je connais très très bien Dominique Duforest parce que je suis un grand admirateur de sa carrière. Ok. Grand doubleur, comédien, un grand monsieur qui a animé des années sur une radio. Ah ça, bon ? Ah, ça ne te dit rien ? Non. Ah, je vais te mettre un jingle. Bah, je savais qu'il était animateur, mais... Voilà, on va pas mettre la suite. Ah oui, ok. Sur une radio. Ah, c'est ça. Sur une grande radio. Voilà. que je m'efforce à ne pas prononcer. Voilà. Allez. Et c'est dur, hein. Non, mais si je l'entends une fois ce soir, je le dirai toute la soirée. Ouais. Donc on va pas le dire. On va pas le dire. J'aime bien son jingle quand même, tu vois. Moi, je suis fan, tu vois. Ouais, ça va. Sur elle, tu crées salé. Allez, on va se concentrer donc sur cet ancien responsable de casting. On oublie, il a eu aussi cette casquette-là. Oui. Et ancien animateur radio, Dominique Dufauret. On se fait la première réponse de l'interview combinée, Kix. Elle est un peu dure, hein. Mais attention, réfléchissez bien. On se concentre. Si Bradley Cooper avait un frère siamois, il serait... À double tranchant. Parce que Cooper, coupé, oui, j'avais double... Compris. Voilà, j'avais compris. Non mais tu sais quoi? C'est drôle. Vous êtes exactement ce que j'attendais. C'est incroyable. Merci bien. Non, ça me fait rire. Moi j'avais, et toi, j'avais plus soft. J'avais allé au culot voir son patron et lui demander une augmentation. C'est toujours... À double tranchant. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, je suis le moins drôle. Je me le prends. C'est un peu comme la question quel âge tu me donnes. On sait jamais. Non, j'ai pire. Quand ta meuf te demande, dis-moi, j'ai grossi. La réponse est toujours à double tranchant. Oui, c'est vrai. Quoi, tu réponds pas? Ce drôle m'allait mieux avant ou maintenant? Si tu réponds pas, ça veut dire que tu n'oses pas me dire quelque chose. Ouais. Vas-y, pourquoi tu te décomposes? Pourquoi tu parles plus? Question 2, Kix. Alors, que dit... Alors. Pardon. Alors. Que dit une épuisette fatiguée? C'est épuisant. Oui, j'en ai une autre sinon. Chercher une robe qui plaise à sa copine. Mais bon, on a parlé de copine c'est avant. C'est épuisant. Oh bah, je peux dire pareil, faire les soldes. C'est épuisant. Attendre voilà. Qu'elle sorte de la salle de bain. C'est épuisant. Quand elle raconte sa journée. C'est épuisant. Bon, on va laisser tranquille les pauvres. Ouais. Attends, mais j'ai quand même la mienne, hein. Je sais pas me relire. Super. Ça m'a pas manqué. Ah, bah, relire Jadoul. C'est épuisant. Attends, c'est... Épuisant, ça c'est la phrase. Ah oui, non, ça y est, j'arrive à me relire. Ces gens qui sont surpris par la neige d'aujourd'hui. C'est épuisant. C'est vrai. Bon, juste parce que j'ai pas su me relire, je me le prends. Allez, c'est bon, c'est cadeau. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué à ce jeu. Ouais. J'aime bien. Allez, vas-y, question 3 et dernière. Un Belge boit de la bière au moins 6 jours sur 7. J'aurais même dit plus en vrai, mais... C'est vrai, c'est pas faux. Pour Kix, une semaine entière, c'est... 6 jours sur 7. Ah, bon. Franchement, il est pour toi le dernier. Merci. Voilà, avec plaisir. Bon, t'as quand même gagné. Toujours plaisir de me faire frapper avec un coup de combiné. Oui. Allez, on se le refait une dernière fois juste pour le plaisir. T'as failli quand même dire Dominique, Nick. Non mais t'es quand même ce gars sans rire. Oh, tu me feras toujours rire, c'est bien. Au moins ça fait ça de gratuit. C'est des vannes qui sont pas facturées. Dans un instant on aura le FaceTime. Le FaceTime, yes. Oui. Is it this? Oui, je dois vous faire donc deviner 3 personnalités à l'aide de 3 sons par personnalité. Attention, selon la science et quelques prédictions savantes, maintenant, Kix risque de faire une séquence en français et sans bafouiller. Non, je déconne. Partout en podcast. C'est Jadoul et son équipe. Tous les mercredis. Il est prêt? Je suis prêt, autant pour moi. Excusez-moi, je t'entends pas. Le mec éteint son micro pour parler. Moi, je fais l'inverse, alors. Je suis prêt. Bébé, s'il te plaît, c'est l'heure du festival. Oh, yeah. Vous allez jouer en 3 manches. Kix va vous faire deviner des stars avec l'aide de 3 indices sonores pour chacune de ses personnalités. Dans ceux-ci, ça peut être un bruitage, un extrait d'interview, ça peut paraître bizarre, une musique, en clair ou en distordu. Soyez vigilants. Durant une même manche, ces 3 sons peuvent former un rébus ou alors être tout à fait explicites. Réfléchissez à voix haute. Mais si vous pensez avoir la réponse, appuyez sur votre buzzer. Bonne partie. Et que le meilleur gagne. C'est l'heure du festin, à table festin. Bravo! Je vois que tout le monde est prêt. Antoine a son buzzer. Maëva a son buzzer. Et Jadoul a son buzzer. Parfait. Alors on va pouvoir commencer. Il faut qu'on en donne un aux voisins aussi, tant qu'on y est. On pourrait. Que... Bah tiens, je vais donner le mien. On t'a fait un buzzer alors que c'est toi qui anime le jeu. Bah oui. Je ne comprends pas pourquoi on fait cette émission. Peut-être si jamais on fait une tournante un jour, je ne sais pas. Attends, je pense qu'il reste un projet. Il reste un buzzer. D'accord. Il a dit quoi? L'autre con. Ah, l'autre con. Ça va, on n'a plus personne. L'invité, bah c'est très bien. On en a plein en France. Waouh, j'étais pas prêt. Si tu ramènes quelqu'un dans le studio, il a son buzzer instantanément. Mais c'est énorme. Ah, techniquement, je sais pas comment on a fait. On va qu'on fasse ça avec un auditeur, on fait venir, il participe. Bah voilà, mais tout est prêt. D'avoir un auditeur au téléphone pendant le jeu. Ou au téléphone ou ici, enfin. Ouais, bah, j'adorerais. Bah voilà. Mais y a personne qui nous écoute. Donc c'est ça. C'est pas faux. Donc c'est compliqué. Non, vas-y. Bon, tu es prêt pour la première personnalité, le premier indice? Ah ouais, j'ai intérêt à briller, ouais. Oui, parce que vous êtes tout seul en plus. Merci. Je vous en prie, Victoria. Installez-vous. Victoria, vous faites une rechute. J'en ai bien peur, oui. Je coupe. Oui. Victoria Silverstream, qui était celle qui faisait la roue de la fortune. Voilà. Allez, on passe au deuxième indice. Ouais. C'est pas elle? Bah c'est elle, mais c'est pas ça. Quoi? Attends, tu vas quand même pas perdre déjà dès le départ tout seul. Non, putain. Non. Allez, c'est pas grave. Allez, bonus parce que c'est elle, mais c'est pas elle. Je comprends pas. Ce qu'il faut suivre, c'est peut-être pas la personnalité qu'on recherche. Bon, d'accord, vas-y. Allez, second indice. Pour 250, je propose un N. Ah bah oui. Et donc c'était troisième indice ou Vas-y, troisième indice, de toute façon, j'ai déjà posé. Je construis des marionnettes. Il faut faire un lien. J'ai compris. Ah bah oui. Avec de la ficelle et du papier. Allez. Elles sont jolies, les mignonnettes. Je vais vous les présenter. J'aimerais que la maison de disques de Christophe se dise putain, on fait de la SACEM, de la SABAM ici. Mais ouais. Pourquoi? Mais à quel moment c'est diffusé là? Bon, c'est Christophe de Chavannes. Ouais, c'était ça la bonne réponse. Ça. Bon bah c'est pas grave, tu peux te rattraper avec la deuxième personnalité et le premier indice de la deuxième personnalité. Attention. Sauvage, the new elixir, Dior. Bon, là, il faut penser, c'est une pub. Comme je suis tout seul, je buzz pas sur le premier indice. Ah bah oui, ça c'est la meilleure technique. Je buzz quand je le sais. Voilà. Bon, bah, si deuxième indice. Idée, hein, de l'autre côté de la radio, sur Instagram, Jajadoul, n'hésitez pas à me souffler la réponse. Merci. Ah oui, si. Oui. C'est la musique de Forain, là, qu'il y a dans les attractions. Oui, tu sais, sûrement. Le manège va vite. Les Forains, ils mettent ça. Ouais. C'est bon, je l'ai pas. Ok, bon, du coup, tu l'as pas? Mais non, allez, vas-y, troisième indice. Ouais, troisième indice. Que se passe-t-il, Chapelier? Toi qui étais le plus grand festoyeur, le meilleur danseur de Guigan Délire de tout le comté de la Déraison. Guigan quoi? Est-ce que. Guigan Délire! C'est une danse! Ouais, enfin, je comprends, oui, merci. Tu l'as pas? Oui, je l'ai. Tu l'as, vas-y, dis-moi. Je dirais que c'est Johnny Depp. C'est une bonne réponse! Voilà. Bonne réponse, Johnny Depp. Non, je vais le dire honnêtement, hein, c'est Maëva. Ah non, il y a plusieurs personnes qui m'ont soufflé. C'est la musique de Pirates des Caraïbes, c'est de ça. Balles. Ah. C'est la musique des Pirates des Caraïbes, trop de balles. Ok, bah super. C'est les gens qui se foutent de ma gueule. Okay. Merci Maëva en tout cas de m'avoir soufflé la réponse. Et à du coup, potes, ça fait un point pour Maëva. Bien joué Maëva. Ah non! Ah si, bah elle joue écoute à distance. Allez, bon, ok. Ah bah c'est comme ça. Bon, ça fait un point pour moi. Je savais pas, vas-y, suivant. Et troisième personnalité, attention, premier indice. Vos qualités principales, s'il vous plaît. Ma plus grande qualité, c'est que je suis rapide, hein. toujours sur la balle. Là, je suis respecté, mais. Jadoul. Je dirais Claire Chazal. Non. Claire Chazal est rapide sur la balle. Mais non, mais c'est sa voix. Ah, c'est vrai que ça y ressemble un petit peu, mais c'est pas ça. Deuxième indice. Ouais, vas-y. Là, je sais pas si Maëva va trouver quoi que. Pourquoi pas? Deuxième indice de la troisième personnalité. Ah! Oui. Mais trop tard, j'ai déjà buzzé de ta. Oui, bah, c'est pas grave. Je dirais. Allez, la Yannick Noah, mais belge. C'est ça? Attends, là, ça va t'aider, attention. Vas-y, troisième indice. Vas-y. Quoi? Qui chante? Justin Timber. Justin Hénin! C'est ça! Justin Hénin! Ouais, c'est bon, je l'ai! Alors, on fait le récap des points. Qui a gagné? Bah, si on compte Maëva ou pas? Bah, oui, si tu veux. Allez, bah, ça fait 1-1. Non, c'est une blague. Bah, si on compte Maëva, ça fait 1. Alors, on compte pas Maëva. Qui bah, gagne? Jadoul a gagné! Ouais! Et comme je suis tout seul, je peux choisir la musique de Guin. Et je choisis Herbert Léonard. Je n'ai qu'un pays, celui de ton corps. Je n'ai qu'un péché, ton triangle d'or. Je découvre en toi toutes les odeurs. Tous les mercredis, c'est la trappe. Let's go. Tous les mercredis, c'est Jadoul et toute son équipe partout en podcast. Bonsoir, bienvenue, on est en direct. Si vous nous rejoignez maintenant, 21h04, l'émission s'appelle La Trappe, je m'appelle Jadoul. Il y a Kix avec moi. Bonsoir. Il y a Maëva avec moi. Bonsoir. On peut tous le faire, il y a Antoine avec moi. Qu'on embrasse. Non, alors voilà, on en équipe réduite, il y a personne qui vient, il y a de la neige, les gens hibernent. On embrasse Maëva qui se repose un peu cette semaine. Mais elle va bien. Ah, ça va alors. C'est le plus important. Si elle est en forme, ça va. Ah oui, oui. Bon, maintenant qu'elle nous a planté cette semaine, je dirais juste... Sors de ma vie, sors de ma vie, ne reviens plus, ne reviens plus, car désormais, tu n'es plus le bienvenu. J'ai trop pleuré, j'ai envie de rire aujourd'hui, de t'oublier. Et tant que je serai aimé, je survivrai. Alors, on tu me vas dit que quand t'as même... des amis, toi, avec la maman de Maëva. Qui, Isabelle? Oui. Bah, je l'embrasse. Ah mais ne reviens plus. Ne, hein, ouais. Maëva ne revient plus. Je sais pas c'est si... une blague. Ah. Oh. Et, je pense, l'air de rien, qu'elle a beaucoup d'humour, sa maman. Bien sûr, bah bien sûr. Tu peux le dire en le pensant? Non, mais je le pense vraiment. Dans un instant, Radio Falminioul sera là, des grands professionnels de la radio, des champions. Bah oui, des champions de la fréquence, on peut oui, même dire. Oui, nous sommes les champions de la fréquence. On nous connaît, nous sommes tous amis. Amis, pardon. Amis. Oh, enfin. Et on aura aussi, si on a le temps, le retour du Perdu sur l'Internet. Ok, ça parfait. Va être très sympa. Avant ça, je vous propose qu'on fasse les inflops. Oui. Allez, les infos qu'il fallait louper les 5, les 7 derniers jours même, qui se sont écoulés. On vous les a résumés. Alors, on commence en numéro 1 avec aux États-Unis un chien qui s'appelle Cécile. Ah bon, rigolo. Bah, mon chat s'appelle Félicie. Donc, oui, c'est vrai. Ouais, mais bon, Cécile, voilà. C'est quand même. Cécile, c'est bien. Oui. Okay. Mais Cécile, elle a la faim. Pourquoi pas Cécile le. Non, non, c'est un mâle. Oui, c'est ça. Donc Cécile, ah oui, oui, okay, oui. Cécile au masculin, okay. A dévoré 4 000 $ en petites coupures trouvées dans la cuisine de ses maîtres. Alors, pour récupérer leur argent, le couple a entrepris, comme vous le devinez, une chasse au trésor compliquée. Ils ont trié le vomi, ils ont trié les déjections du chien. Quelle horreur. Bah, je sais, bah, parfois, avoir un animal de compagnie, c'est bien, mais souvent, c'est... Ne fais pas de cadeaux. Voilà, voilà. Allez, deuxième info. Un couple de Belges francophones. Ils s'appellent Vincent et Martine. Ils se sont installés il y a un moment en France. Ils ont vu leur demande de nationalité française refusée en raison de... Je sais pas moi, peut-être parce qu'ils vivent pas en France ou je... Bah si, justement, ils vivent en France. Ah, ils vivent en France. Et ils ont pas la nationalité française car, selon l'État, ils sont dans un niveau insuffisant en français. À ouais. Savoir que le couple a pour langue maternelle le français. Ils ont réalisé leur parcours scolaire dans des écoles francophones en Belgique. Oui. Mais vous connaissez le système d'État français. Ah, vous parlez français? Ah, d'accord. Et vous voulez être français? Mais attendez, je comprends pas. Vous êtes pourtant belge francophone. Mais vous êtes fou. Oh oui. Mais vous êtes fou. Allez, ouais, bizarre. Non, on comprend pas, on comprend pas. J'espère que ça s'est réglé depuis. Troisième et dernière info dans le Brabant wallon, la police est intervenue dans un quartier de Limelette. Ouais, je suis passé pas très loin tantôt. C'est vrai? Ouais, en train. Bah, c'est bien. Suite à une alerte causée par des cris suspects, ils sont intervenus dans une habitation. Okay. Les habitants ont appelé la police car ils pensaient que chez leur voisin, il y avait un différend familial. Alors, cependant. Oui. Quand les policiers se sont déplacés et ils sont arrivés sur place, ils ont juste découvert que le seul coupable clients, dans la oui. maison était en réalité un perroquet contrarié. Ah oh, mais c'est dingue. Mais les perroquets, franchement, parfois ils font des trucs, ils disent des trucs aussi. Donc un appel d'urgence, tout ça pour un perroquet. Ils sont arrivés sur place, c'est un perroquet, d'accord. Et qui paye à ce moment-là? Ah ben, je sais pas, ça c'est une très c'est bonne question. Le propriétaire du perroquet, peut-être. Ah, peut-être. Ah, mais ça ne les a pas empêchés, ça ne les a pas empêchés, les policiers. Ils sont arrivés près du perroquet et ils se sont dit... Maintenant, ils ont plus qu'à adopter Cécile le chien pour rembourser avec l'argent qu'il a mangé, tu vois. Ah oui, oui. Enfin, ce qu'il en reste. Hein, parce qu'il en reste. Il a digéré les billets, le pauvre. Oh là là. Oh le bordel. Une équipe bourrée de talents. De talents visuels. Oh yeah. Wow. Mais comme ici, c'est de la radio, c'est pas pratique. Oh non. Mais enfin, c'est promis, ils vont faire de leur mieux à l'oral. C'est Jadoul. Partout en podcast. Tous les mercredis. On a plein de surprises pour vous, à commencer par le perdu sur l'internet qui va être absolument légendaire. On aura aussi... Alors, si tout va bien. Oui. Le retour... De qui ? De Mocha Dérangé. Mocha, ah oui, on l'avait... Ah oui, c'est vrai. C'est la tendre oreille de la nuit. Oui. Elle reçoit par téléphone les gens qui ont des problèmes. Si vous avez quelque chose à lui confier, n'hésitez pas. Ça se passe sur mon Instagram, les inscriptions Jajadoul. Vous pouvez tout lui dire. C'est une oreille attentive. Elle est là pour vous conseiller, vous aiguiller. Waouh. Et surtout, juste être une écoute, une oreille, une épaule sur laquelle s'appuyer. C'est le rôle de Mocha Dérangé. Elle sera là pour la dernière séquence de cette émission, normalement. Voilà. Hein, normalement, on a bien normalement, dit. Hein. Normalement, on a réglé sa voix. Voilà. Voilà. Oui, parce qu'elle a une voix très atypique, on va dire. Hein. Mais je pense que les clopes sont passés par là. Et même un peu trop. C'est le cendrier qui est encore là. C'est ça. Bon, là, on avait mis un peu de détergent dans le cendrier. Là, ouais. Parce que, là, il y a deux semaines, on avait fait Mocha. C'était plus Robotica que Mocha. Bon, on se rapproche d'un truc un peu... Oh, mais c'est ça aussi. Et vous en connaissez beaucoup des émissions qui osent en direct des nouvelles séquences comme ça. Pouf. Non, c'est vrai. Ah, bon, alors, il me semble bien. En parlant de gens qui osent... Qu'allons-nous oser cette fois-ci? Non, là, il faut. On est obligé. Ah oui. Ils arrivent, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On a un partenariat. Ne me demandez pas comment ça s'est fait avec la radio. On a un partenariat. On est obligé de leur laisser 2 à 3 à 4 minutes d'antenne par semaine parce qu'ils n'ont plus l'argent de se payer eux-mêmes leurs propres émetteurs. Donc on leur prête notre antenne. Quelques minutes. C'est Radio Falminioul cette semaine. J'espère que tu as le pied marin. Pourquoi ? Parce que je pense que ça se passe en mer. Oh là là là là là. Au cœur d'un paisible petit village de Wallonie, chaque jour, René l'animateur et Guy de la Sono œuvrent à transmettre de la joie sur les ondes locales de Radio Falminioul. Des moments de vie exceptionnels que l'on vous offre. Découvrez le jour où ils ont animé d'un bateau. Ah, allez, allez, ouh! Hissez la grand voile! Moussaillon de la 97.8. Vous écoutez Radio Falminioul en direct. En direct de la mer. Guy et moi-même, nous vous disons bonsoir à bâbord. Bonsoir à tribord. Oh là là. Oh, quel jet. Ça va, René? Ah, c'est pas beau à voir. Mais c'est toi qui as mangé mon restant de scampi? Regarde, il flotte au milieu de tout ce que tu viens de remettre. Guy, explique pourquoi nous sommes sur un bateau. Chers auditeurs, nous sommes en mer car aujourd'hui, c'est la journée internationale du saumon. Arrête de leur raconter des conneries, mon vieux, ils vont y croire. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la cuisine italienne. Et ça n'a rien à voir. La réelle raison est... Nous sommes en voyage à l'étranger et on continue d'animer la station malgré tout. Le seul problème, c'est que dans notre hôtel, c'est mal insonorisé pour faire nos émissions et on capte mal. C'est pourquoi nous avons décidé de... Eh oh, tu permets, c'est mon idée. Ah bah oui. Ah bah de toute façon, cette merveilleuse idée ne pouvait venir que de toi. Pauvre type, une fois par an, t'as une idée. Évidemment, elle n'est pas brillante. Enfin, bref. Excusez-moi. Guy a décidé de faire une émission sur un gros bateau luxueux, rien qu'à nous, afin d'être le plus isolé possible. Ben quoi ? Mon idée n'est pas si mauvaise. Je suis sûr que de l'autre côté du poste, ils sont d'accord avec moi. Bon, c'est vrai que ça bouge un peu, mais on est bien là. La vue est belle, il y a du soleil et l'eau est calme. Oh, regarde, il y a même une truite qui nous tourne autour. Ah non, il y en a deux. Maintenant, il y en a trois. Que c'est beau! As-tu déjà vu une truite dans ta vie, Guy? Oui, à l'hôtel à midi, dans mon assiette. Et avec un excellent assaisonnement, je dois dire. C'est aussi comme ça que j'appelle la femme du voisin. Ah, déjà, on dit d'elle que c'est une truie et non une truite. Bon, allez, laisse tomber. Tu visualises un dauphin? Oui, mais... je ne suis pas certain que les dauphins tournent en rond autour des bateaux. Bah, j'en sais rien, moi je suis pas plongeur. Attends, je vais aller mettre ma tête sous l'eau pour voir. On ne comprend rien, René. Si tu veux parler, fais-moi un geste. Ah, tu veux que je t'aide à sortir la tête de l'eau? Ce sont des requins, Guy! Il faut vite se barrer d'ici. Allume le moteur de notre beau paquebot! À vrai dire, on est sur une barque que j'ai louée, René. Et pour payer moins cher, j'ai pris sans moteur et sans aucun appareil de sauvetage ou de sécurité quelconque. Mais on a des rames à la place! Ramon! Ramon! René, encore une chose. Je dois t'avouer que je les ai oubliés sur la plage quand on a pris la mer ce matin. Cela dit, nous avons les pieds des micros. On n'a qu'à les utiliser pour ramer. Tu vas voir, toi. J'espère que tu sais nager. Là, j'ai besoin d'alléger la barque pour ramer plus facilement. Je ne sais pas nager. On se rejoint à l'hôtel, Guy. Bien. Chers auditeurs adorés, veuillez nous excuser pour ce que vous allez entendre. Ce sera jusqu'à ce que j'arrive à bon port. Et hop. Constater que la FM a encore du punch. A bientôt pour de nouvelles aventures chez Radio Falminioul. Note pour nous, énorme. Il faut pas faire. Je pense qu'en fait, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire à la radio. Mais ils profitent bien pendant que nous on a une tempête. Bah eux ils sont tranquilles en vacances, normal. Putain, c'est vrai que j'ai bah pas ouais. Ça. Eux ils se mettent bien. Ils se mettent bien sur un bateau et tout. Bon bah. Oh, c'est scandaleux ça. Oh là là. Oh non, je suis dégoûté. Là. Ouais, ouais. Ils sont trop forts. Il y a un truc paradoxal. Ouais. Là, en ce moment, la Belgique c'est. Let it snow, let it snow, let it snow. Et pendant ce temps-là. Je pense qu'on atteint un pic d'écoute parce que les gens sont soit dans leur bagnole coincés, ouais, c'est vrai. Soit chez eux, et bon, et pourquoi pas écouter la radio, soit il y a des gens qui attendent au boulot plus tard, ou bref, je sais pas ce qu'ils font, mais ça fait qu'on a une connexion un peu particulière avec les gens ce soir, et je trouve que ça apporte un truc à la soirée. Merci d'être présent. Ah merci, ah oui, à vous. Merci d'être bloqué et de nous écouter. Bah oui, quand même, attendez, ça fait plaisir. Là, vous inquiétez pas, on a un gros dossier qui arrive. Ça va être très sympa et on va en perdre 2-3 au passage, je crois. Ça va être compliqué. Tous les mercredis, c'est avec Jadoul. En podcast. Ah, fait chier. Pardon. Merde. Ah, on a l'antenne, excusez-moi. Désolé, je me suis. On a de la neige qui est tombée sur. Non, c'est pas une excuse à tout ça. Non, je cherchais mon bed en fait, et le temps que je le trouve, bah. D'accord. Et okay, je m'étais trompé de jingle. J'avais mis un jingle plus long exprès pour. Voilà, pour pas avoir l'air de ce que j'ai l'air maintenant. Voilà, c'est simple. Tu connais le principe du perdu sur l'internet? Oui. Je l'espère. Ça va bientôt faire 2 ans et demi qu'on fait cette émission. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais tu sais que parfois j'ai encore du mal. Ça, c'est sûr. Le principe est très simple. On a 3 chemins qui s'offrent à nous pour se perdre sur Internet, qui regorgent de plein de séquences, de plein de vidéos qui ont 0 vue. On est la seule vue sur ces vidéos qui sont pourtant légendaires et qu'on vous résume ici dans l'émission. Kix, concentre-toi. Oui. Donc tu vas donner 3 propositions aussi. C'est ça. Hein. Est-ce qu'on va découvrir la chaîne de François pris pour être premier? François pris pour être premier. Je ne sais pas. C'est quoi les autres? Anne et son savon pour les mules. Ok. Laurent va tout déchirer en musique. Ah, je dirais Laurent va tout déchirer en musique. Je sais que t'aimes bien tout ce qui est sur base de la musique et tout. Donc j'ai une bonne nouvelle. Vous êtes perdu sur Internet. Tu as vu juste, c'est effectivement Laurent 1974 qui cumule 854 abonnés sur sa chaîne YouTube. Ouais, franchement. Il en a plus que nous. Bien sûr qu'il en a plus que nous. Allez, allez voir nos vidéos par charité, oui, s'il vous plaît. Découvrons ensemble tout de suite donc sa musique intitulée « Ça va déchirer ». Attendez, attendez. Ah oui, c'est un délire là. Déjà, la base est très très bonne. Oui, c'est on vrai. Va peut-être y rajouter crescendo, par exemple les paroles. Allez, on y va. Quand je suis en bas, ça va déchirer, ça va éclater. Je suis sur scène, ça va exploser, ça va éclater. Ah, waouh. Je ne m'attendais pas à ce que la prise voix soit aussi mauvaise. Ah, il y a un délire. Hein. Mais en plus, ça coupe de temps en temps. Il n'y a pas toutes les paroles. Enfin, en même temps, il n'y a pas de paroles. Mais à quel moment tu te dis, je vais le faire à 2 mètres de mon micro et faire... Quand je suis en... Fais des... Ah, c'est bien ça. Ouais, t'es bon pour faire une vidéo YouTube. Merci. Il faut absolument... Absolument, une montée. Tu vois, le moment ouais, où c'est, qui... ça mousse dans la en chanson. En fait, si et... ça éclate, alors il faut et t'es là, et oui, et paf, quoi, ouais. Il faut que ça. Faut que ça y aille, quoi. Et là, bam! Tout cassé! On bam y va! Quand je suis en rage, ça va déchirer. Allez, allez, allez, allez, allez, allez! Tout va sauter. Mais quand une étincelle. Mais y'a rien eu. Mais je m'attendais à un truc de fou, mais y'a rien eu. Bah si si, non mais t'as pas entendu. Y a juste on aurait dit. Ouais on aurait dit ma voix. Hein, on aurait dit un petit peu ma voix. Ouais, non, c'est ça, c'est quand tu sais pas, ouais. Allez. Mon Dieu. On va faire un nouvel essai, je te propose. Vas-y. Avec toujours Laurent 1974. Il faut que l'on ressente cette envie d'explosion. C'est le titre de la chanson, oui. Je le rappelle. Ouais, ce serait ça bien. Ça va déchirer, explosion. Allez. Il faut lâcher prise. Il faut un vrai son qui envoie du lourd. Ça va éclater, ça va éclater. On va sauter. Mais ça démarre pas, c'est pas possible. Il casse tout, il pète tous ses ballons, mais ça démarre pas. Bon, tu veux la vérité? Oui. La musique est finie. Ça va déchirer, c'est une blague. Ça va éclater, ça va exploser. Et c'est fini. Et ça se coupe comme ça. Il faut qu'on le réécoute. Je connaissais pas moi les sons. Moi je découvre cette séquence en même temps que vous. La fin ouais, ouais. Est géniale, surtout la dernière explosion, parce que pour moi, les bruits des ballons. Et tiens bien la note en plus. Oui, mais c'est un film de vacances ce truc, c'est pas possible. Et ça... Non, mais c'est fou. Attends, il faut qu'on réécoute ce dernier moment, l'âge d'or de cette chanson. Ça va déchirer, ça va éclater, ça va exploser. Bon, bah, il est éclaté, hein. Il n'y a plus, il y a plein de petits morceaux partout. Il Laurent, plus. Tu vois le ballon là? Ouais, ben. N'y touche pas, ni demain, ni jamais. Casting pour remplacer Jadoul. Allez-y. Jadoul vous dit bonsoir. Le son ne va pas assez fort. Oh, c'est pas terrible. Suivant. Faire du Jadoul, c'est comme faire un bon gâteau. Non, ça ne le fera pas non plus. Désolé. Suivant. Tous les mercredis, Jadoul et sa belle fanfare pour le plaisir des oreilles. Bon, ben, tant pis, on va devoir garder l'original. Jadoul et son équipe. En podcast, tous les mercredis. Ah, ça fait longtemps. Revoici le jeu de la chanson. Ah ah, le jeu de la chanson. Bien sûr, c'est French Fuse qui nous offre un petit remix. Magnifique. Je sais pas si vous le connaissez, c'est le Pas Content. Et le but c'est de compléter. Pas content, pas content. Il faut arriver dans le temps. Pas content, pas content. Bon voilà, d'accord, t'as compris le délire. Et être un peu drôle, de préférence, ouais, dans la réalité, dans la vraie vie. On va le faire à tour de rôle, Kix. Ouais, je commence. Ouais, on commence en impro. Sois drôle, hein. Ouais, je. Vas-y. Et dans les temps, parce que sinon il faut tout recommencer, ça casse les pieds à tout le monde. Allons-y. D'accord. Vous pouvez jouer de l'autre côté de la radio ici, hein. On sait jamais, hein. Vous êtes sûrement meilleur que nous. Attention, on y va, on se concentre. Je pense que. Attends, je réécoute parce ça que ça commence. Ouais, je sais plus comment ça commence. Ouais, il faut que le premier soit dit. Donc je commence parce que comme je oui, comme je lance, je vais le faire moi-même. Voilà. C'est de l'émission auto-réalisée. Pas fumer dans le sens du vent. Tomber et se casser les dents. Œil pour œil et dent pour dent. Prendre de la neige sans ses gants. De l'argent et pas de talent. Ne pas fêter le nouvel an. De l'argent et du talent. Un meuf Ikea sans gants. Sans plan. Non, Kix. Sans plan. On l'a pas entendu, on l'a pas entendu, c'est pas grave, c'est passé. Sans plan. Non, sans gants, t'es sérieux? Allez, on recommence, c'est parti. Non. Pas fumer dans le sens du vent. Pas content, pas content. Tomber et se casser les dents. Pas content, pas content. Œil pour œil et dent pour dent. Pas content, pas content. Prendre de la neige sans gants. Pas content, pas content. De l'argent et pas de talent. Pas content, pas content. Ne pas fêter le nouvel an. Oh là là. Pas content. Pas d'argent et du talent. Un meuble Ikea sans plan. Et j'ai failli redire sans gants. Non, c'est pas vrai. On y est arrivé. C'est Jadoul. En podcast. On en parlait, elle est là, elle, malgré tout. Oui, la petite Britannie. Ouais, elle est là, c'est notre influenceuse. Si vous ne la connaissez pas, on vous offre à chaque fois, chaque semaine, ses stories Instagram qu'elle a postées là, les 7 derniers jours. Alors, il y a du bon, il y a du moins bon. Enfin, en même temps, il y a plus du moins bon que du bon. Mais il faut faire le tri, on vous a tout résumé et on vous le joue simplement. C'est ça. En fait, c'est une influenceuse qui n'influence personne puisque personne ne la connaît. Oui, parfois elle donne des mauvaises idées aux gens. Mais nous, on la connaît. Des mauvais conseils. Et c'est comme ça qu'on vous l'a fait découvrir ce soir dans l'émission. Coucou mes ninis, c'est Brittany. Aujourd'hui, j'ai décidé de tester des astuces pour avoir les lèvres plus pulpeuses. Parce que les lèvres fines comme un string, c'est pas du tout Instagram là, mon fils. Pour ça, j'ai trouvé des astuces sur TikTok et je vais toutes les essayer et vous donner mon avis. Ah. Ouais, vous pouvez me remercier, ouais. Merci. Alors, la première astuce, vous faire avec un crayon à lèvres, faut dessiner. Ouais, je suis pas un peintre comme Mozart en fit. Faut pincer les lèvres et overliner qui disent. Moi, allez, j'essaye. Je pince mes lèvres. Voilà. Je dessine mes lèvres. Wesh, on dirait que j'ai de la moustache. C'est pas Kylie Jenner là, mais c'est Annick Feu que je ressemble. C'est vraiment la merde cette astuce. Je conseille pas du tout. Alors, l'astuce suivante, c'est la gymnastique des lèvres. Par contre, le sport, c'est pas trop ma cam en fit. Surtout là, je suis pas en jogging, donc je sais pas, ça va être possible. Alors, ils disent, contractez vos lèvres et poussez-les vers l'avant comme si vous donniez un baiser. Maintenez la position quelques secondes. Elle a du mal. Wow. Et ouais, je suis grave avoir l'air con comme ça en fit. Bon, attendez, j'essaye. Vous parlez que... Et vas-y, c'est sûr, c'est pour se foutre de ma gueule, cette astuce en fit. Je suis le bouquet mystère en fit. Next. Alors, la dernière astuce, c'est de commander un gloss à base de piment. Mais c'est 20 euros chez Sephora. Et avec les frais de port, ça va faire 25 euros. Et je suis pas riche comme Jésus sans fit. Surtout que mamie, elle a été grave radine sur les dringuilles. Pas grave. Papa, il a du piment dans le frigo. Je vais fabriquer moi-même mon gloss au piment. Pour ça, on va avoir besoin d'un gloss. Moi, j'ai pris le rose qui s'appelle Rose de Jade. Moi, par contre, c'est Brittany, en fait. C'est pas Jade. Alors, dedans, je vais ajouter le jus du piment que j'ai écrasé et on mélange. Allez. Oh, ça va appliquer. Voilà. Et on applique. Non. Voilà. Non, fais pas ça. Arrête. Alors... je sens un picotement. Ah bah oui, je sens beaucoup de picotement. Ça brûle. Maman, ça brûle. Le gosse, il brûle. Voilà, mes ninis, j'espère que ça vous a plu. Du coup, je vous conseille de garder l'élève fine, d'avoir assez... Bon, alors, il faut avoir assez de sous pour faire la chirurgie. Mais je ne conseille pas du tout les astuces. Surtout la dernière. Parce que du coup, j'ai des grosses lèvres, mais ça brûle. Et ça fait quand même fort mal. Et en fait, c'est même pas très Instagrammable en fait. On se retrouve la semaine prochaine pour vos astuces beauté. Bisous et car avec les doigts. Allez, y'a qu'à faire comme ça. Waouh, waouh, waouh. Cela dit, ça a fonctionné, hein. Bah, du coup, elle a eu des grosses lèvres comme elle voulait. Bon, bah, ça a brûlé. Je peux te faire un aveu. Ouais. J'aime pas les lèvres pulpeuses. Non, bah, je suis pas fan non plus, mais après, moi, voilà, y a des gens qui aiment bien, y a des gens, c'est pour un complexe. Mais moi, je préfère des belles lèvres, même plutôt fines. Plutôt que. Ouais. Ah, oui, non, quand c'est exagéré, c'est exagéré. Mais bon. J'ai pas dit ventouse non plus, hein. Ouais. Petite lèvre fine, j'aime bien. Petite lèvre fine. On parle de la bouche. Allez. Petite lèvre fine. Allez. Pulpeuse. Non, arrête, tu m'as mis dans une situation, je ne sais plus comment m'en sortir. Ah bah écoute, tu te démerdes. Bah ouais, tu sais quoi. Tiens, point de pelle. Non, tiens la pelle. Oh, merci. Ça fait plaisir. En venant, c'est la lèvre pulpeuse. Ah bon. Et pas le visage, on a dit. Oh. Écoutez ma belle voix. Suave et envoûtante. Ouais. Profitez-en. Parce que Jadoul est de retour et croyez-moi, lui, c'est tout l'inverse. Waouh! Jadoul et son équipe. Tous les mercredis. Ah, c'est une belle production de jingles. À 8 minutes près, on était dans les clous, quoi. Non, mais c'est un peu tôt pour ça. Bon, en échange, je te propose qu'on démarre la Music Machine. The Music Machine. The Music Machine. Music Machine. The Music Machine. Je suis rentré chez toi. Mais non, arrête. Oh, merci. On a gâché l'effet de surprise. C'est dégueulasse. Aïe, aïe, aïe. Allez, sois bon, hein. Oui. On compte sur toi. On compte sur moi. Et oui. Allez, comptez sur moi et comptez sur mon téléphone. Je l'allume, il est devant moi. Allez-y, envoyez-moi vos messages. Et des kicks, parce que le pauvre, voilà, il a une culture musicale qui s'arrête à l'ère de la musique, mais il ne connaît pas le titre et l'artiste. C'est ça. Le but est de reconnaître ces vraies chansons qui se cachent dans des covers de TikTok. Tout vient de TikTok. Et c'est là que c'est le plus fort, parce que ce sont des chanteurs qui ont le mérite d'être passés en radio ce soir. On se concentre. Oui, bah, je vais essayer, oui. Première manche, jouez avec nous, chez vous, de l'autre côté de la radio. Un jour, ouais. J'irai à New York avec toi. Toutes les nuits déconner. Daddy Mike, vous êtes de retour. Et voir aucun film en entier, ça va de soi. Téléphone. Avoir. Oui. Et bah, la musique est comme d'hab. Un jour. Un jour quoi? J'irai à New York avec toi. Non, c'est à New York. Un jour, j'irai à New York. Tu retires un jour. J'irai à New York. Non. J'irai. Non. À New York avec toi. Il y a un mot de trop. À New York. Non. Avec un toi. Mot de trop. Ah mince, attends. À New York. New York avec toi. Bonne réponse. J'irai là-bas. Oh là là, il faut l'aider, il faut lui pousser dans le dos. Ah, c'est toi qui le pousse. Quel bon titre. Ainsi le cœur de la vie. Tu m'emmèneras. Bon, je pourrais l'écouter en entier, mais j'avoue que la version de Daddy Miles est quand même très tentante aussi. Et tu m'emmèneras. Et tu m'emmèneras. Emmène-moi. Bon, ça va. Emmène-moi. Ah, il siffle bien. Ouais. Pas mal. En dehors de la guitare, on a l'impression qu'elle sature ou qu'elle n'est pas accordée. Un jour, j'irai là-bas. Et c'est quand même une autre ambiance, hein. Un jour, j'irai là-bas. Bon. Ah, première manche, haute en couleur. Oui. On va se concentrer. Parce que c'est Johan qui va nous interpréter. Il nous vient de TikTok. La deuxième chanson qu'on tente de retrouver ce soir. J'habite tout seul avec maman dans un très vieil appartement au sordage. Oh. J'ai pour me tenir compagnie une tortue de galerie. Wow. À une chatte. Quoi? Oui. Une chatte. Pour laisser maman reposer. Maëva l'a trouvé. Hein. Alors qu'elle n'est pas là et qu'elle écoute la radio. Mais Maëva, c'est ta jukebox. Bah, ça va lui faire plaisir encore. Je lave et je suis. Aucune idée. C'est ancien, c'est nouveau. C'est ancien. Je me suis. Ah, Non, j'ai. Le travail, je suis. Kix. Oui. Allez, je te mets le refrain version TikTok, tu vas peut-être le trouver. D'ailleurs, on est sur le bout, je rentre à retrouver mon loup. Le soleil. Quoi? Mais je comprends rien. Et si je te mets l'original, on va voir si tu le trouves. J'habite seul avec maman. Aznavour? Oui. Dans un très vieil appartement. Rue Sarrazade. Rue Sarrazade, il y a non. Plus... Mince. Le titre, c'était Comme ils disent. Ah bah voilà. Ouais. Maëva avait trouvé le Comme ils disent. Ah oui. Bah elle est trop forte. Et même aux premières notes. Bon, c'est pas grave, t'es toujours à un point, on y va, on est sur la troisième manche, on recherche titre artiste original, ça vient de TikTok, écoutez Laetitia. Un peu plus tard après la nuit, et je n'ai pas encore dormi. Kix a sa tête contre le micro. Un peu plus tard après la nuit. Je connais ça, c'est dans toutes les soirées, bah, comme d'hab. Mais est-ce que je. Et t'en sais, ça va pas faire venir le titre à l'artiste. Peut-être. Ah. Maëva, tu connais mon numéro? Ou Messenger? Ah non, ne triche pas. Allez, je laisse encore 10 secondes, mais après j'arrête. Hein. Aucun remords. Ah bah en plus, tu dois m'en aller. C'est pas m'en aller. Ah non, c'est pas ça, merde. Non, je dis là, c'est pas je dois. Non. T'as dit quoi? Je dois m'en aller. Mais c'est encore une autre, j'ai encore. Non. C'est du même groupe. C'est vrai? Ah, ce que tu viens de dire, c'est du même groupe. Purée, évidemment, il faut que je tombe sur une musique qui y ressemble. Attends, c'est qui? Oh yeah! Je demande à l'air. Ok, let's go! C'est pas les rites. Ben non, rien à voir. Ah non, c'est les autres, justement. Oh. C'était Niagara quand la ville dort. Hey, si le ciel ne me tombe pas sur la tête. Oh, tu connais? Si la lune a comme un air de fête. Oh là là. Si la neige ne fond pas au printemps. Oh! Merci. Oh, vous le trouvez comment, Maïté, notre Kix ce soir? Parce que là. C'est une question de bon sens. Merci, Maïté. Oui, je sais, mais là, qu'est-ce qui se passe? Vous pensez que vous trouveriez mieux dans la musique machine que Kix? Faudrait me mettre tout un tir dans la machine. Oui, je sais. Évidemment. Ouais. Et il est comment, Kix? Fameux, eh? Merci. Je l'aime bien, Maïté. Non, c'était ironique. C'était ironique parce que. Sur la qualité, on ne la fait pas. Voilà. Oui, c'est vrai. Allez, avant-dernière manche. Oui. On doit essayer de retrouver titre artiste. On se concentre. C'est Ah, t'as dit on, tu vas m'aider? On, les autres. Oui, non. C'est une toute nouvelle chanson. J'ai fait mon sac 100 fois. Allez. Jamais sûr d'être au bon endroit. Je regarde le monde, je n'y fais pas. Immonde et sublime à la fois. Je me pose 1000 questions par jour. Je suis au tiers du parcours. Est-ce que vivre vieux vaut le détour? On veut marquer l'histoire. Oh, chouette. En télémémoire, l'écho s'égare, alors on tombe. Jocelyne, elle est en forme. Hein. Ça ressemble un peu à du Renault. Ah! Et une partie de la bonne réponse. Ouais. Renault et qui? Ah, c'est avec quelqu'un en plus. Non, mais même Maëva là! Oui, mais Maëva. Alors que ça vient de sortir! Oh, ah oui! Renault, non, attends, ça vient de sortir. Bon. Vianney. Renault et Vianney, non? Montre-moi ton téléphone. Bah, j'ai pas de téléphone, tu peux le prendre. Okay, je confisque. Et hop là, jusqu'à la fin de l'émission. C'est vraiment venu de ton cerveau, ça? Ben oui, parce que je sais qu'ils viennent de le faire récemment. Bonne réponse. C'est maintenant, mais pas après. Ah oui, il a des graves. Hein. Chéris l'instant, balaie le passé. Certains voudraient vivre vieux. C'est une erreur. Faut vivre mieux. Non mais attends, et on va l'isoler pour la fin de l'émission. J'ai envie qu'on entende s'il y a un petit solo de Renaud. J'ai envie de découvrir ça. Maintenant. Ah, Jocelyne est en forme. Hein. Tu veux que je l'accompagne? Non, ça va, Renaud. D'accord. Merci, Renaud. Avec plaisir. Pas mal. Allez, le climax de la chanson. On y va. Jocelyne, donne tout. Certains voudraient vivre vieux. Moi, je veux partir heureux. Ah! Merci. Merci pour l'illustration. Avec plaisir. Allez, on se fait la dernière manche. Oui. Du coup, j'ai eu un point. Oui, j'ai très bien. 2 points sur 5 manches. Allez. tout seul. Final, final, attention. Je vais gagner, je vais gagner. Attends, mais écoute-le, le pauvre. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose. Elles passent en un instant comme le fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud. Que de nos chagrins, elle s'en fait des manteaux. Pourtant, quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. Oh là là. Oh les oreilles. Bah elle va la réponse. Tu m'aimes encore, serait-ce possible alors? Ah attends. Ça va devenir. Je vais arrêter parce que tu défonces les oreilles. On me dit que le destin se allez voilà le refrain. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. Donc le titre de la chanson c'est. C'est une fille qui chante non? Oh putain, voilà la réponse, Carla Bruni. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit. Oui, bien sûr. Que tu m'aimais encore. Serait-ce... Quelqu'un m'a dit, c'est le titre de la chanson. Serait-ce possible alors? Kisses. Everybody. Allez, merci monsieur. Que fais-je? La fin de la vie. Bye. Bye. Waouh. C'est fameux. Le récap des points, Kix. Eh ben, j'ai eu 2 points dans cette manche tout seul. Je suis assez fier. Non, pas dans cette manche, dans ce jeu. Oui, pas dans ce jeu tout seul. Sur oui, cinq pardon, oui, manches, sur cinq t'as manches. Eu 2 points. C'est voilà, ça. Tout seul. Ben, c'est mal exprimé. Sans aucun concurrent. Non, et sans aucune triche. Oh, bah ben, bravo. John, au secours. Merci, Kix. Jadoul en podcast. C'est comme un pare-soleil à ventouse sur une belle voiture de luxe. Ça dénote. Et c'est une faute de goût. Mais ça nous fait bien marrer. Tous les mercredis, Jadoul. Oh. J'avais oublié lui. Oh. Oh. On doit se connecter. On doit se connecter, on a une séquence, c'est l'oreille de la nuit, hein, comme on l'appelle. C'est Mocha dérangé. On lui prête l'antenne parce qu'il y a plein de gens, le soir, qui sont seuls et qui ont besoin d'une écoute ou qui ont simplement besoin de raconter leurs problèmes. On démarre la séquence Allô Mocha. Eh bien... Bonsoir, Mocha dérangé avec vous jusqu'à 1h du matin. Je suis entouré ce soir de Jadoulad à la réalisation. Assisté de mes 2 stagiaires, Polopo et Marc de Bronzage. Patrick Kix est à la technique et au standard ce soir. Je vous attends impatiente au 010 45 24 70. Tout d'abord un coucou soleil. Tout d'abord un coucou soleil de Solène de Andenne. Un coucou hello de Polo de Profondeville. Un coucou fidèle de Gwenaël de la Louvière. Un coucou tendresse de Marie-Agnès de Bertogne. Un coucou furax de Richard qui nous écoute en vacances de Boulogne. Un coucou charmant de Nathan. Un coucou poème de Hélène. Un bisou triste de Maurice. Un salut inquiet de Peter. Un coucou bisou signé Michou. Le coucou original est signé Pascal. Et un fidélissime coucou de Maxime. Ce soir, cette émission a pour but, comme à chaque fois, de vous conseiller, de vous consoler, de vous aider, de vous aimer passionnément. Allô? Bonsoir, Mocha. Oui, bonsoir. Je suis Philippe. Bonsoir, Philippe. Ouais, ok. Je me lance. J'ai des petits problèmes gastriques. Je pense que ça joue sur ma vie sentimentale. Je suis à la recherche de conseils pour enfin trouver une belle gonzesse. Rien que ça. Je suis aussi preneur de conseils pour la vie professionnelle. Je pense passe ma vie dans ma salle de bain. C'est un problème d'être assis sur le pot toute la journée, vous savez. Sur le pot, Philippe, vous dites. J'ai l'impression d'avoir passé ma vie assis. Je comprends, vous êtes employé de bureau? Non. C'est-à-dire que je passe ma vie sur le chiotte. Donc c'est un gros problème. Et pourquoi est-ce que vous passez votre vie aux toilettes? Car j'ai toujours trouvé refuge dans le cassoulet. Oh, c'est trop bon, ça, j'adore. J'ai une relation très régulière avec les conserves. Monique Ranou. Philippe. Oui. Le meilleur conseil que j'ai pour vous, je vais vous le donner. Mettez-vous un bureau dans vos toilettes, histoire de mettre tout le temps que vous passez dans votre salle de bain en profit de votre vie professionnelle. Et en ce qui concerne les femmes, il faudrait peut-être juste arrêter le cassoulet. Ça libérera peut-être vos relations sociales. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Merci infiniment, mon chat. Comment? Vous m'entendez? Je vous entends, mais... Ah pardon, excusez-moi. Je disais merci infiniment, mon chat. J'aurais jamais pensé à cette solution. Heureusement que vous êtes à la radio tous les soirs. Sans vous, je serais perdu. Je suis là pour vous. Merci. Au revoir, Philippe. Je vous embrasse. Que s'achève notre voyage au cœur de la nuit. J'espère que ma voix et cette histoire auront pu vous guider dans vos chemins personnels. N'hésitez pas à continuer à vous inscrire. D'ici là, je vous embrasse fort. Avec tendresse, je vous dis à bientôt.